Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba'a huda. Amma ba'du. En ce jour, le premier du Jumad al-Akhira, d'après de l'année 1441 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous réunissons ici dans la mosquée Masjid al-Rahma de la ville d'Evry, la fille chantée du coq, comme vous le savez, pour le troisième cours de cette série qui porte sur le deuxième point, la deuxième caractéristique principale des caractéristiques des gens de la sunna, le sunnati wal jama'a, qui est leur position face au shirkiyat, c'est-à-dire le polythéisme de toutes sortes. Ce point ou cette caractéristique un rapport direct et très fort avec le point que nous avons étudié la semaine passée, ou la caractéristique principale que nous avons vue la semaine passée, qui est la position des gens de la sunna en ce qui concerne la croyance, en ce qui concerne le tawhid, et en tout particulier le tawhid des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, tawhid al-asma wa sifat. C'est pour cela que on va faire un rappel de ce qu'on a rappelé la semaine dernière, au début du cours, en ce qui concerne la position des gens de la sunna et du groupe par rapport à leur appel au tawhid, à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Avant cela, il faut savoir que cette caractéristique, c'est-à-dire leur position par rapport à shirkiyat, c'est-à-dire le polythéisme de toutes sortes, et leur position en ce qui concerne toutes les sortes de polythéisme, qu'ils soient grands ou petits, car en effet, le shirk se divise en deux. Certains des savants de la sunna l'ont divisé en trois. Là, on va se contenter des deux sortes de polythéisme qui sont le polythéisme majeur, le shirk al-akbar, et le polythéisme mineur, le shirk al-asghar, qu'on va expliquer brièvement un peu plus tard dans le cours. Donc leur position par rapport à shirkiyat, à toute forme de polythéisme, qu'il soit majeur ou mineur. Parmi cela, le fait d'invoquer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de demander le secours à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de faire ce qu'on appelle le tawaf autour d'autres que ce que Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré, c'est-à-dire autour de l'Kaaba, la seule chose qui est légiférée, donc de faire le tawaf autour de cette dernière. Aussi an-nadhr, ce qu'on pourrait traduire communément comme les vœux pieux. Aussi le fait de sacrifier pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et tout cela fait partie de l'association majeure, ash-shirk al-akbar, qui va à l'encontre avec la base de at-tawhid, du monothéisme pur, du monothéisme dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ce monothéisme avec lequel a été envoyé l'ensemble des prophètes et messagers, tawhid al-ibada, tawhid al-uluhiyya, et la position des gens de la sunna en ce qui concerne ce tawhid, ce monothéisme, nous l'avons expliqué la semaine dernière. Et leur position en ce qui concerne ce qui va à l'encontre de ce tawhid, c'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui, c'est-à-dire leur position face au polythéisme de toutes sortes. Et leur position est le fait qu'ils, pour résumer en une phrase, le fait qu'ils mettent en garde et qu'ils déploient tous leurs efforts pour mettre en garde contre cela. C'est-à-dire que la première des choses, comme nous l'avons vu la semaine dernière, la première des choses à laquelle ils appellent, c'est التوحيد الخالص, le monothéisme pur. Et avec cela, car ceci n'est pas suffisant, le fait d'appeler au monothéisme pur, avec cela, ils déploient tous leurs efforts pour mettre en garde contre le polythéisme, de toutes sortes. Et ces deux choses-là ne vont pas l'une sans l'autre. Car ceci est la voie de nos prophètes et de nos messagers, comme nous l'avons expliqué la semaine dernière, et comme on va le rappeler aussi aujourd'hui. Et la position par rapport à cette chose-là, le polythéisme, est un facteur qui révélera la réalité de la da'wa d'une personne, la réalité de son appel à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que cette position-là, si cette personne-là aura la position des gens de la sunnah, c'est-à-dire qu'il déploiera tous ses efforts que dans chacune de ses prêches, chacun de ses cours, il base son appel à Allah sur cela, c'est-à-dire le fait d'appeler au tawhid et de mettre en garde contre les formes de polythéisme, et bien cette personne-là, tu espères de lui un bien. Et si cette personne-là tourne le dos à cette caractéristique principale des gens de la sunna, sache que ceci est un facteur révélateur sur la réalité de son appel, de sa da'wah. Comme on va le voir dans ce cours, lorsque nous allons évoquer certaines paroles des gens de l'innovation par rapport à cette caractéristique, par rapport à cette position liée au polythéisme, au fait de mettre en garde contre lui. Pour rappeler, comme je l'ai dit, donc, ce point, cette caractéristique est en rapport direct avec ce qu'on a étudié la semaine dernière, c'est-à-dire l'appel des gens de la sunna au tawhid, au monothéisme pur, car cette position qu'ils ont par rapport au polythéisme, eh bien le fait que dans leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala au monothéisme pur, ce dernier ne va pas sans le fait de mettre en garde contre ash-shirk, contre le polythéisme. Comme ceci était la voie de nos prophètes, de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui l'ont précédé, et comme cela Allah dit dans le Coran, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Ce qui pourrait être traduit communément en français ou ce qui pourrait être traduit dans le sens de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, comme dit au Muhammad, car Allah Azza wa Jalla s'adresse à son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit au Muhammad, ceci est mon chemin, ceci est ma voie, j'appelle à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi, avec clairvoyance. Et ici, on remarque que Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, dit j'appelle à Allah, c'est-à-dire à Allah seul et sans associé, je n'appelle pas à autre chose que cela, j'appelle à Allah. Ensuite, la parole du prophète, ou la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Surat al-Muddathir, donc la sourate 2, qui est traduite communément comme l'enveloppée dans un manteau, le revêtu d'un manteau, pardon, où Allah Azza wa Jal dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ مَعَذَرَةً يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ, jusqu'à la fin de ces versets-là, donc qui pourrait être traduit communément comme « Ô toi, Muhammad », donc car Allah Azza wa Jalla s'adresse encore à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le revêtu d'un manteau. Lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, jusqu'à la fin de ces versets. Comme on l'a expliqué la semaine dernière, qum fa'andir, c'est-à-dire lève-toi et avertis, avertis, mets en garde les gens contre eux, l'association, la religion du peuple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à cette époque, le peuple de Quraysh, qui était l'association à Allah Azza wa Jal par l'adoration de leurs idoles. Et de ton Seigneur célèbre la grandeur. Wa rabbaka fakabbir. Kabbirhu bit-tawhid. Célèbre sa grandeur par le tawhid, par l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, pur, seul, sans associé. Et tes vêtements purifie-les. Wa thiyabaka fatahhir. Purifie-les de toute forme de polythéisme. Donc nous voyons que Allah tabaraka wa ta'ala dans ces versets, dans cette sourate, il ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de se lever et d'avertir son peuple qui était des associateurs à Allah azza wa jal, de les avertir et de les mettre en garde contre le polythéisme et de les appeler au tawhid. Et c'est bien cela la voie de nos prophètes et de nos messagers. Comme cela le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il lui soit révélé la plupart des obligations religieuses, il a appelé pendant 13 ans à cela, al-tawhid al-khalis, le monothéisme pur, à Mecca, avant d'être ordonné d'émigrer, de faire la hijra jusqu'à la ville de Médine. Et comme cela, l'ensemble des messagers avant lui, comme Allah Azza wa Jalla le dit dans son livre, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Dans le sens approximatif de ces paroles, nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager qui leur dit, donc à sa communauté, adorez Allah et écartez-vous de Tarout. Encore une fois, nous voyons dans ce verset la voix de nos messagers, de notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui l'ont précédé, le fait qu'Allah azza wa jalla n'a pas envoyé dans un peuple un messager sans que ceci soit sa da'wah, soit son appel à Allah tabaraka wa ta'ala, le fait d'appeler à Allah seul et sans associé, et le fait de s'écarter des fausses idoles, des fausses divinités, du polythéisme. Donc ceci, comme nous l'avons expliqué la semaine dernière, doit être la voie empruntée par n'importe quelle personne qui désire appeler à Allah tabaraka wa ta'ala. Et encore une fois, comme on l'a dit la semaine dernière et la semaine passée, le fait que cette da'wah n'est pas une chose qui est propre à une personne, plutôt c'est quelque chose qui convient à n'importe lequel des musulmans, et chacun selon sa capacité. Et ceci d'après la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, « Balliru anni walau aya » et transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset, ne serait-ce qu'un signe. Donc ceci appartient à tout à chacun de transmettre le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chacun selon sa capacité, avec des conditions, ce n'est pas quelque chose à faire n'importe comment. Mais toi, tu es un mubellir, tu es quelqu'un qui transmet ce que tu as appris, qui transmet la croyance que tu as, et cette croyance et cette manière que tu as de transmettre, eh bien, celle qu'avait les messagers, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ou cette manière de faire qu'ils avaient, cette manière que leur a enseigné, ou cette voie que leur a enseigné leur Seigneur tabaraka wa ta'ala, le fait que tu appelles au tawhid et que tu avertis et mets en garde contre eux le polythéisme de toutes sortes. Et comme cela, nous avions rappelé la semaine dernière la parole de ce grand savant, Al-Allama Sheikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafidhahullah, dans son livre, qu'on a l'habitude de rappeler, un livre qui est très important, Manhaj Al-Anbiya fi Da'wati Ilallah, qu'on pourrait traduire comme la voix des prophètes dans leur appel à Allah, Tabaraka wa Ta'ala, où ce dernier rapporte l'exemple de 5 parmi les grands prophètes, leur exemple dans leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Comme on l'a dit, c'était un livre, ce livre était une réfutation à un grand innovateur de ce temps, Mohamed Sourour, Zayn al-Abidin, on peut dire le fondateur de la secte de As-Sururiya, que vous allez entendre plusieurs fois dans ces cours, on va les réfuter, on va rapporter les paroles des gens de science par rapport à cette secte-là. Sururiya, qui est une faction des frères musulmans. Et ce livre-là était une réponse à cette personne-là, Mohamed Sourour, qui avait écrit un livre du même nom, La Voix des Prophètes, dans leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala, qui était rempli de fausseté sur l'appel à Allah fait par les messagers et les prophètes, alayhim salatu wassalam. Et Cheikh, Hafidhahullah ta'ala, de dire dans ce livre, comme on l'a rappelé la semaine dernière, que ceci, c'est-à-dire l'appel au tawhid, et le fait de mettre en garde contre le polythéisme, était l'appel de l'ensemble des prophètes avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit qu'il est obligatoire à chaque personne qui désire emprunter ce chemin, le chemin de l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala, d'appeler les gens à Allah tabaraka wa ta'ala, il lui est obligatoire de suivre ce chemin, car c'est le chemin qu'a tracé Allah azza wa jal pour les meilleurs des hommes qui sont ses prophètes et ses messagers. Et le shir de dire que Allah Azza wa Jalla dans son livre nous a informé sur l'appel de certains de ses messagers. Parmi eux, le shir, dans la parole que j'avais rapportée la semaine dernière, c'est la même parole qui est ici, a rappelé la da'wah, l'appel de Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il est apparu, lorsqu'il a été envoyé dans un peuple qui adorait les idoles, comme le peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il les a appelés à quoi ? Le shir s'interroge et interroge le lecteur, à quoi les a-t-il appelés Ibrahim alayhi salam? est-ce qu'il les a, c'est-à-dire dans sa réforme, par quoi a-t-il commencé? Est-ce qu'il les a appelés à se révolter contre le gouverneur, qui, ce gouverneur, à cette époque-là, sans aucun doute, était un mécréant, qui ne jugeait pas parce que Allah Azza wa Jal a révélé, sans aucun doute. Non, plutôt, comme le dit notre cheikh, Rabbi Ibn Hadi, Hafidahullah, il les a appelés à adorer Allah Azza wa Jal, seul et sans associé, et se détacher de l'adoration de leurs idoles. Comme cela, il nous parle du prophète Yusuf alayhi salam, qui lorsqu'il a été emprisonné, injustement, sans aucun doute, est-ce qu'il a appelé ses deux compagnons de prison à se révolter lorsqu'ils sortirent de prison contre le gouverneur, à essayer de se venger de lui, de l'assassiner, etc. Non, plutôt, il les a appelés à l'adoration d'Allah, seul et sans associé, comme cela l'histoire de Moussa, comme cela l'histoire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alayhim salatu wassalam. Et c'est bien par cela que commence la réforme, l'appel au tawhid pur et la réforme des croyances par la mise en garde contre le polythéisme. Comme on l'a évoqué au début du cours, le polythéisme est de deux sortes, shirk al-akbar ou shirk al-asghar. Certains parmi les savants de la sunna l'ont divisé en trois sortes, on va se contenter de cela. Shirk al-akbar, c'est-à-dire l'association, le polythéisme majeur, et Ash-Shirk al-Asghar, c'est-à-dire le polythéisme ou l'association mineure. Pour résumer, et les gens de science ont plusieurs définitions qui se rejoignent et qui se complètent les unes les autres sur le sens de l'association majeure, qui est le fait de prendre des associés à Allah Azza wa Jal dans son adoration. De prendre des associés à Allah Tabaraka wa Ta'ala dans son adoration. Comme le fait d'invoquer le dua autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, de l'invoquer, d'invoquer autre qu'Allah en dehors de lui ou avec lui, en dehors de lui ou avec lui. Si vous saisissez la différence, c'est-à-dire que une personne qui adore, qui invoque directement autre qu'Allah, ou quelqu'un qui invoque Allah mais qui invoque avec lui quelqu'un d'autre. Ces deux choses-là font partie de l'association majeure. Aussi, le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, le fait de faire un vœu pieux, comme on le traduit communément, c'est-à-dire un nazar, le fait de faire un vœu pieux pour autre qu'Allah, c'est-à-dire un vœu pieux, quand tu le feras pour Allah Azza wa Jal, tu diras, si Allah Azza wa Jal m'accorde un enfant cette année, eh bien, je jeûnerai un mois durant. Ça, c'est ce qu'on appelle nazar, un vœu pieux. Le fait de faire cela, et c'est une adoration, une manière que tu as de te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, avec un détail qui est autour de cela, ce n'est pas le moment de le détailler, on le verra peut-être plus tard, mais cette chose-là est une adoration qui ne convient pas, ou qui est interdite, qui ne doit pas être vouée à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc cette chose-là, lorsque tu la voues à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, tu as certes associé à lui la grande association, Ash-Shirk al-Akbar, l'association majeure. Comme le fait de se prosterner devant autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, et autre que cela parmi les formes d'association majeure. Ensuite, l'association mineure, Ash-Shirk al-Asghar, ceci englobe, comme le disent les savants, et comme je l'ai dit encore une fois, les savants ont plusieurs définitions sur cela, Ash-Shirk al-Akbar, Ash-Shirk al-Asghar, ce sont des définitions qui se complètent les unes les autres, qui se rejoignent les unes les autres dans le sens, donc ne pas se dire que, ça c'est important en fait de bien le comprendre, pour une personne comme c'est-à-dire un étudiant en sciences, comme pour les gens de la masse des musulmans, de bien comprendre cette chose-là. Lorsque tu vois que les savants donnent une définition d'une chose, tu as appris une définition de tel ou tel parmi les savants que tu estimes, et que tu vois qu'un autre parmi les savants donne une autre définition, cherche à comprendre d'abord cette définition. Peut-être qu'elle a le même sens, ou qu'elle se rapproche vraiment beaucoup d'elle, pour pas s'empresser à dire que tel ou tel savant est dans l'erreur, car tu as entendu toi une autre définition de telle et telle chose. Comme cela, les trois sortes de tawhid, comme vous le savez, tawhid al-rububiyya, al-uluhiyya, al-asma al-sifat. Certains parmi les ulama, parmi les gens de la sunna, beaucoup parmi les gens de la sunna l'ont divisé en deux sortes uniquement, et ont rentré tawhid al-asma al-sifat dans tawhid al-rububiyya, Ça, c'est une chose qui est importante à savoir. Car quand tu entendras certains parmi les gens du sens dire qu'il y a deux sortes de tawhid, ne t'empresse pas à dire que ça c'est une erreur, ça c'est grave, ça c'est pas comme ça que les gens de la sunna parlent, etc. Comme cela, d'autres noms qu'ils ont donnés à ces trois sortes de tawhid, comme cela, comme je l'ai évoqué ici, certains des gens de la sunna ont divisé le shirk en trois parties. Ces choses-là, ce sont des choses qu'ils ont données, des définitions qu'ils ont données après avoir lu les textes du Coran et de la sunna. Ils ont retiré des règles qu'ils ont données afin de simplifier et de comprendre les textes du Coran et de la Sunna. Donc ces choses-là ont des preuves. Shirk al-Akbar, Shirk al-Asghar, le polythéisme majeur, le polythéisme mineur, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Rububiyya, toutes ces choses-là ont des preuves dans les textes du Coran et de la Sunna. Et c'est après une lecture globale et générale de ces textes-là que nos savants sont ressortis avec ces définitions et ces sortes, que ce soit de Tawhid, de Shirk, etc. Pour revenir à Shirk al-Asghar, c'est-à-dire le polythéisme mineur, les savants le définissent par le fait toute chose, parole ou acte qui englobe, qui sont en dessous de Shirk al-Akbar et qui, ce sont les choses, les polythéismes ou les sortes de polythéisme qui englobent l'ostentation, comme cela, le fait de jurer par autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, et autre que cela. Le fait de jurer par autre qu'Allah, par exemple, à un certain moment, ce sera estimé comme étant du polythéisme majeur. Cela, sa place n'est pas ici. Il faut le détailler dans un cours complet. Mais les gens de la sunna, lorsqu'ils expliquent le polythéisme mineur, ils disent les actes et les paroles qui englobent cela, c'est-à-dire l'ostentation, le fait de jurer par autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, puisque à la base, c'est-à-dire on parle de la base, le fait de jurer pour autre qu'Allah, c'est estimé comme étant du polythéisme mineur. Et parfois, il peut être estimé comme étant majeur dans certains cas. Voilà, ceci est le polythéisme donc mineur. Et parmi les choses qui sont reconnues unanimement, le fait que ad-du'a, le fait d'invoquer autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, d'invoquer que ce soit une idole, comme à l'époque des polythéismes de Quraysh, le peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou le peuple de Ibrahim avant lui, ou le fait d'invoquer un prophète, comme cela le fait d'invoquer un wali, ce qu'on appelle un wali, c'est-à-dire quelqu'un de pieux, un saint, quelqu'un de rapproché d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme cela le fait d'invoquer un ange, parmi les anges d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou un djinn, ou autre que cela, le fait d'invoquer, le fait de faire une invocation, demander Ya Allah, urzuqni. Tu demandes à Allah Azzawajal qui t'accorde ta subsistance. Eh bien, le fait de faire ces choses-là pour autre qu'Allah Azzawajal parmi ces choses qu'on a rappelées ou ces personnes qu'on a rappelées et autres que cela, tout cela rentre dans le polythéisme majeur et c'est unanime auprès des savants de la sunna que cette chose-là, du'a à autre qu'Allah Azzawajal, fait partie des plus grandes formes de polythéisme, des plus grandes formes de shirk et des plus dangereuses. Et lorsque les polythéistes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont précédés jusqu'à notre époque, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ceux qui tombent dans cette forme d'association, car, comme je vous l'ai dit, c'est unanime auprès des gens de la sunna que cette chose-là, le fait d'invoquer autre qu'Allah Azzawajal parmi l'Wali, c'est-à-dire le pieux, le saint, le prophète, que ce soit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou autre que lui, que ce soit un ange, que ce soit un djinn, etc., cette chose-là est une des formes les plus dangereuses de l'association et une des formes aussi les plus répandues, une des formes les plus répandues dans cette communauté. Et ça, on va le voir un peu plus loin. Et cette chose-là était la forme d'association qui était la plus répandue aussi dans les temps précédents, comme à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont précédés. Et leur réponse, lorsqu'ils étaient appelés à Allah tabaraka wa ta'ala, était une ambiguïté. Et cette ambiguïté, on la retrouve encore chez les polythéistes de notre époque, ou ceux qui tombent, quand on dit les polythéistes, ce sont ceux qui tombent dans cette forme de polythéisme, que ces gens-là, on les juge comme étant musulmans ou non. Ça, on va le détailler un peu plus tard. Et bien sûr, le fait de juger quelqu'un musulman ou non, c'est-à-dire quelqu'un qui est musulman de base, le fait de le faire sortir de l'islam, comme on en a déjà parlé dans l'introduction du cours, c'est-à-dire le cours qu'il y avait il y a deux semaines, on le verra aussi au cours de nos cours sur les caractéristiques des gens de la sunna, le fait de juger quelqu'un, de faire sortir quelqu'un de l'islam, de le juger mécréant après que son islam ait été affirmé, cette chose-là n'appartient pas à n'importe qui. Cette chose-là n'appartient pas à n'importe qui, cette chose-là appartient aux savants, il y a des conditions à respecter, etc. Ça n'appartient sûrement pas à nous qui sommes les gens de la masse des musulmans. Et ça, on va le voir aussi à la fin du cours, rapidement. Leur preuve ou leur... comment dire, la chose par laquelle ils se défendaient lorsque les prophètes et les messagers les appelaient à délaisser cette invocation d'autre qu'Allah Azza wa Jal et à revenir vers l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé, comme cela, la preuve ou cette chose par laquelle ils... ou ce prétexte qu'ils donnent au jour d'aujourd'hui, ceux qui font cela, comme vous pouvez le voir dans beaucoup de pays musulmans au jour d'aujourd'hui, pour quelque chose qui parle mieux, le fait d'aller chez l'Awliya, chez l'Wali, Sayyid, etc., etc., dans beaucoup de pays malheureusement musulmans au jour d'aujourd'hui, comme par exemple des grandes tombes comme la tombe de l'Hussein, radiallahu anhu, qui se trouve, qu'ils prétendent qu'il se trouve au Caire, en Égypte, comme la tombe de l'Badawi aussi en Égypte, comme Sayyid qui se trouve dans des pays comme au Maroc, en Algérie, en Tunisie, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui est très, très répandu. Très, très répandu dans le monde musulman au jour d'aujourd'hui. Alhamdoulilah, c'est une chose qu'on ne trouve pas dans Dawlat al-Tawhid wa Sunnah, al-Mamlaka al-Arabiya al-Saoudiya, harasah Allah. Cette chose-là n'a pas de... on ne la trouve pas dans ce pays, qui est al-Mamlaka al-Arabiya al-Saoudiya, et les pays qui les ont suivis dans cette da'wa, la da'wa al-islahiyya, la da'wa de réforme de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, ceux qui les ont suivis dans cela, pareil, dans ces pays-là, tu ne trouves pas cette chose-là. Le fait que l'adoration des tombes et de l'awliya est répandue, walillah alhamd. Mais dans d'autres, parmi nos pays musulmans, je trouve cette chose-là vraiment très très répandue. Les gens de la masse se tournent très facilement vers l'adoration, l'invocation des tombeaux, de l'awliya, de partir chez le wali pour lui demander qu'il intercède auprès de toi, auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, pardon, pour toi. Et c'est ce prétexte-là qu'il donnait à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à maintenant. Ce prétexte que Allah azza wa jalla nous évoque dans son livre, tabaraka wa ta'ala, dans le verset 3 de sourate Az-Zumar. Donc, Az-Zumar, les groupes, la sourate numéro 39, où il dit, dans le sens approximatif de ses paroles, c'est à Allah qu'appartient la religion pure, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Ici, cette ambiguïté qui était utilisée à l'époque et qui est utilisée encore aujourd'hui. Ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Nous ne les adorons pas que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah tabaraka wa ta'ala. Regardez cette ambiguïté, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il y a dans notre religion des intermédiaires entre nous et le Créateur, que Allah azza wa jalla a mis des intermédiaires entre nous et lui, qu'il faille revenir vers eux, les invoquer, leur vouer certaines formes d'adoration afin qu'ils intercèdent pour nous auprès de lui. Chose qui est bien sûr nulle et caduque. Allah azza wa jalla n'a pas mis d'intermédiaire entre nous et lui, plutôt ces intermédiaires qu'il a mis entre nous et lui, ce sont ses prophètes et messagers, les a envoyés pour nous appeler, et il a fait descendre ses livres pour nous appeler à la religion pure, le fait de l'adorer lui sans associer, de vouer nos invocations, de vouer nos adorations à lui, tabaraka wa ta'ala, seul et sans associé. Et comme cela, Allah azza wa jalla nous a évoqué dans son livre, dans maintes et maintes versets, le fait que l'adoration de ces êtres en dehors de lui n'est pas profitable et est caduque et n'a aucun profit pour celui qui se tourne vers elle. Comme cela, dans le verset numéro, vraiment, on va citer quelques versets, bien sûr, le Coran est rempli de cela, car le Coran est rempli à l'appel au tawhid seul et au fait d'adorer Allah Azza wa Jalla seul et sans associé. On verra dans Surat Al-A'raf, le verset numéro 194. Surat Al-A'raf, donc la numéro 7, le verset 194. Où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ces paroles, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les donc et qu'ils vous répondent si vous êtes véridiques. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Donc ici Allah Azza wa Jal adresse cette parole à ceux qui invoquent déjà en dehors de lui des, et qui lui donnent des associés. Inna alladhina tad'una min dunillahi 'ibadun amsalukum. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les donc et qu'ils vous répondent si vous êtes véridiques. Comme cela dans Surat Al-A'raf, le verset numéro 197, où Allah Azza wa Jal dit dans le sens de ses paroles, « Et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont capables ni de vous secourir, ni de se secourir eux-mêmes. » Comme cela, donc le verset 197, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Ensuite, le verset 13 et 14 de Surat Fatir. Surat Fatir qui est la Surat numéro 35. Si je ne me trompe pas. Voilà, Surat 35. Le verset numéro 13 et 14, où Allah Azza wa Jal dit, dans le sens approximatif de ses paroles, et ces deux versets sont très très importants. Ces deux versets sont très très importants. Il dit, dans le sens approximatif de ses paroles, il fait que la nuit pénètre le jour et que le jour pénètre la nuit. Et il a soumis le soleil et la lune. Chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. Écoutez ici. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient la royauté. Tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Al-Qitmir. La pellicule d'un noyau de date, c'est-à-dire une chose qui est insignifiante. Ils ne sont même pas maîtres de cette chose-là. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Allah tabaraka wa ta'ala. Ce verset ou ces deux versets sont très importants en réponse à ces gens-là qui se tournent vers l'adoration des tombes. Et des pieux ou soi-disant pieux bien souvent. Quand je dis soi-disant pieux, bien souvent ils se tournent vers des gens en prétendant qu'ils sont pieux, qu'ils font partie de l'aulia. Mais il n'en est rien. Ensuite, le verset 106 de Surat Yunus, le verset 106 de Surat Yunus, qui est la Surat numéro 10, où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ses paroles, « Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire, et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Ensuite, le verset, et on va terminer sur cela, le verset numéro 73 de Surat Al-Hajj, Surat Al-Hajj qui est la Surat numéro 22, le verset numéro 73. Une parabole qu'Allah tabaraka wa ta'ala utilise dans son livre Subhanahu wa ta'ala. Il dit, ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche. Quand même, ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Le solliciteur, celui qui demande, et le sollicité, celui à qui il est demandé, en dehors d'Allah Azzawajal, sont également faibles. Cette parabole qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée dans son livre, le verset 73 de Surat Al-Hajj, la Surat numéro 22. Voilà, bien sûr, comme je vous ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de versets en réponse à cela. Et l'ensemble du Coran appelle à l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul et sans associé à la réforme des croyances, c'est-à-dire la mise en garde contre le polythéisme majeur ou mineur de toutes sortes. Et ceci nous amène vers une... comme on l'avait fait déjà au cours précédent, un bref extrait historique pour nous rappeler à quel moment shirk, c'est-à-dire l'association, est venu dans l'histoire du fils de Adam alayhi salam. Comme cela il est rapporté dans le livre de Tafsir, Kitab al-Tafsir du Sahih de l'Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dans l'explication de Surat Nuh, où Ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte l'histoire de ces idoles du peuple de Nuh alayhi salam. Pour résumer ce hadith qui est rapporté dans le Sahih, donc de le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, où Ibn Abbas radiyallahu anhuma, turjuman al-Qur'an, celui qui est donc celui qui explique, qui exégète le Qur'an, et d'après le dua du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui, pour le fils de son oncle, son cousin, Ibn Abbas, il dit dans l'explication de Surat Nuh, il dit que les idoles qui étaient dans le peuple de Nuh, il explique, je vais vous épargner ce passage-là, du hadith, donc il explique chacune d'entre elles, Wad, Waswa', Wa Yaghouth, etc. Il explique donc Wa Ya'ouq, Wa Nasr, où est-ce qu'elles étaient, dans quel endroit. Et ensuite il dit que ces noms-là sont des noms d'hommes pieux qui étaient dans le peuple de Nuh. Ces noms-là, c'est-à-dire ces noms qui sont rappelés dans Surat Nuh, donc Wad, Wa Yaghouth, Wa Ya'ouq, Wa Nasr, ces noms-là sont des noms d'hommes pieux qui étaient dans le peuple de Nuh. Lorsqu'ils sont morts, ces hommes pieux, Shaytan est venu insuffler au peuple de Nuh le fait de d'ériger pour eux des monuments ou de faire pour eux des idoles, c'est-à-dire de d'ériger quelque chose qui par lesquels on va se rappeler de eux. Donc le terme ansab dans la langue arabe peut vouloir dire un monument, une idole. On n'a pas une science exacte de ce que c'était. C'est pour ça que je vous dis des monuments ou des idoles ou quelque chose qui sera un rappel de ces personnes pieuses dans leur peuple. Et de faire que ces idoles ou ces monuments ou ces rappels de ces personnes pieuses restent avec eux dans leurs assises dans lesquelles ils s'asseyaient, se réunissaient, le peuple de Nuh, alayhi salam. Et il leur a insufflé de les appeler, ces monuments, ces idoles, ces rappels, par le nom de ces personnes. C'est-à-dire que, pour, par exemple, Wad, qui était un homme pieux, ils lui ont fait une idole ou un monument, où il est rapporté dans certains hadiths, autres hadiths, que c'était des idoles. Et certaines de ces idoles étaient encore présentes à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans certains hadiths, il est rappelé comme cela. Et donc, de faire une idole, de façonner une idole et de lui donner ce nom-là. Donc celle-ci, c'est Wad. Celle-ci, c'est Nasr. Celle-ci, c'est un tel et un tel. Et de les laisser avec nous dans nos assises. Et ils ont fait comme cela. Ils ont fait ce que Shaitan leur a insufflé. Et au début, elles n'ont pas été adorées, ces idoles-là. Car elles avaient encore la science de qui étaient à la base ces personnes-là. C'était simplement des personnes pieuses de leur peuple. Et on a fait cela pour se rappeler d'elles. Comme on peut le voir au jour d'aujourd'hui, les monuments qui sont érigés en l'honneur de personnes importantes, comme ils le disent, entre guillemets. Et donc Ibn Abbas dit qu'au début, elles n'ont pas été adorées. Et lorsque les générations se sont succédées, la science c'est-à-dire que les gens des générations qui les ont succédées, n'avaient plus la science de la réalité de ces choses-là, de ces idoles, que c'était simplement des personnes pieuses et qu'on a fait cela pour se rappeler d'eux. À ce moment-là, lorsque les générations se sont succédées, c'est à ce moment-là que ces idoles ont été adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci est l'histoire du début du shirk, de l'association dans les fils ou auprès des fils de Adam alayhi salam. Car comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens approximatif de ses paroles dans un autre hadith, il dit qu'il y avait entre Adam et Nuh qui était le premier envoyé le premier message et le premier rasoul aux gens de la terre, entre Adam et Nuh, il y avait 10 qurun, qu'on pourrait traduire par siècle ou par génération. Tout était sur le tawhid. Ça, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de ses paroles. Il y avait entre Adam et Nuh 10 siècles ou 10 générations. L'ensemble d'entre elles était sur le tawhid, sur l'adoration d'Allah azzawajal exclusive, seul et sans associé. Et ensuite, il s'est passé ce que je viens de vous évoquer, la parole d'Ibn Abbas, dans le Sahih, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, sur l'histoire du début de l'association chez les fils de Adam, alayhi salam. Une autre chose qui nous montre l'importance, donc le fait de connaître notre histoire, est une manière de ne pas retomber, comme le disent nos savants, de ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Le fait de connaître notre histoire est une manière que l'on a de ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Une autre chose qui nous montre l'importance de cet appel au tawhid et le fait de mettre en garde contre le polythéisme, le fait que une partie de cette communauté, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans, retourneront à l'adoration des idoles. Cette chose-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé dans plusieurs ahadiths, et c'est une chose que nous voyons, que nous avons vu, qui est arrivée précédemment, et que nous pouvons voir encore au jour d'aujourd'hui, et une chose qui se réitérera. Comme cela, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, dans son livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, a fait un chapitre qu'il a appelé la porte, dans le sens approximatif, donc la traduction, la porte de ce qui a été rapporté sur le fait qu'une partie de cette communauté adorera les idoles. Ensuite, dans cette porte, dans ce chapitre, il a rapporté certains versets et certains hadiths qui nous montrent que les gens du livre, il a commencé par rapporter certains versets qui nous montrent que les gens du livre qui à la base, lorsque le livre leur a été révélé, était sur l'adoration d'Allah, seul et sans associé, puisque ce livre venait d'Allah, tabaraka wa ta'ala, que ces gens du livre sont revenus au polythéisme. Puis il rapporta comme preuve, pour prouver ce qu'il a avancé dans le titre de ce chapitre, après avoir rapporté ces versets, qui nous montrent que les gens du livre sont revenus vers l'adoration des idoles, après avoir été sur le tawhid, il rapporte ce hadith qui est rapporté par Abu Sa'id ibn al-Khudri, radiyallahu anhu, qui se trouve dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim, où dans le sens de ces paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons et à sa communauté après eux, vous suivrez certes, dans le sens approximatif de ces paroles, vous suivrez certes les traces de ceux qui vous ont précédé, jusqu'à ce que s'ils rentraient dans le trou d'un lézard, vous les suivrez dans ce trou. Et lorsque Sahaba lui ont demandé, les juifs et les chrétiens, c'est-à-dire les gens du livre, les juifs et les chrétiens, c'est-à-dire tu parles des juifs et des chrétiens lorsque tu dis ceux qui vous ont précédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la répondre, et qui d'autre? Donc, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, pour argumenter le titre qu'il a donné à ce chapitre, le chapitre de ce qui est venu, ce qui a été rapporté sur le fait qu'une partie de cette communauté reviendra vers l'adoration des idoles, le fait que Allah Azza wa Jalla nous a informé dans ce livre que les gens du livre sont revenus vers l'adoration des idoles, vers le polythéisme, après avoir été sur une guidée, sur un tawhid, et comme cela, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous informe que nous les suivrons dans cela. Comme cela, un autre hadith qui est rapporté, que Cheikh al-Islam n'a pas rapporté, mais dans cette porte-là, mais qui est rapporté aussi dans les deux recueils authentiques de l'imam Bukhari et de l'imam Muslim, par Abu Huraira, radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'heure ne viendra pas, jusqu'à ce que, pour traduire les grosses lignes du hadith, ou traduire le résumé du hadith, jusqu'à ce que les femmes de la tribu de Daous, qui est une tribu du Yémen, de la tribu de Daous, jusqu'à ce que les femmes de la tribu de Daous ne se retrouve autour de Dhul Khalasa. Et Dhul Khalasa, c'était une idole qui était adorée à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment cela, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, que la guidée nous est venue, que les musulmans ont appris et ont connu leur religion, cette religion qui est le tawhid, le fait d'éviter le polythéisme, comment cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que, et les gens, bien sûr les femmes de la tribu de Daous, qui est une tribu du Yémen, sont des musulmanes. Comment cela, le fait que l'heure ne se lèvera pas, l'heure n'arrivera pas jusqu'à ce que des gens de cette communauté reviendront à l'adoration de Dhul Khalasa, qui était une idole et autre que cette idole. Donc ici, dans ces hadiths, on voit l'importance aussi de concentrer notre appel à cela, à l'appel au tawhid pur et à la réforme des croyances, le fait de mettre en garde les gens continuellement contre l'adoration d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala, le polythéisme. Pour terminer le cours d'aujourd'hui, on va rapporter certaines paroles qui ont été dites par les gens qui ne sont pas d'accord, qui sont en contradiction avec notre da'wah, la da'wah des gens de la sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a. Parmi ces groupes-là, le groupe des frères musulmans, qui est un groupe très mauvais et très dangereux, l'Ikhwan al-Muslimoun, qui est un groupe égaré qui est très très dangereux. On va rapporter certaines paroles rapidement de son fondateur à ce groupe, Hassan al-Banna, et de certains de ses grands acteurs qui sont estimés comme les précurseurs du takfir, le précurseur et les têtes des takfiris, des khawarij de cette époque-là, qui sont Sayyid Qutb et son frère Mohamed Qutb. Et on va rapporter aussi certaines paroles rapidement du groupe de Jamaat al-Tablir, et on va rapporter, pour terminer ce cours, la parole ou la réfutation de Sheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, concernant cela. Donc cette personne-là, Hassan al-Banna, qui est le fondateur du groupe de l'Ikhwan, al-Muslimoun, les frères musulmans, dit, donc là, ce qui est voulu ici, c'est de montrer, dans ces paroles qu'on va rapporter, qu'on va traduire, de montrer que toutes les personnes qui ne sont pas sur ce sur quoi nous sommes, c'est-à-dire Ahl-Sunna wal-Jama'a, le groupe, la croyance des gens de la Sunna et du groupe, eh bien tout cela n'ont pas basé leur appel à Allah Azza wa Jal sur ce que les gens de la Sunna et du groupe ont basé, c'est-à-dire l'appel au tawhid et le fait de mettre en garde contre eux le polythéisme. Ils sont tous en désaccord avec nous, même si parfois ils mettent en avant le tawhid, même si parfois ils prétendent appeler à cela, mais on voit que la base de leur appel n'est pas basée sur cela. En fait, leur appel n'est pas basé sur cela. Et comme cela, le fondateur des frères musulmans, Hassan al-Banna, dit dans certains de ses livres, donc là, c'est sa parole à lui que je vais lire, qui est rapportée par notre cheikh Khalid Othman, Abu Abdil A'la, Habidahullah Ta'ala, dans son livre Al-Kawashif al-Jaliya, où il le réfute. Donc, Hassan al-Banna dit... Le deuxième des fondements, parmi les fondements du groupe des frères musulmans, le fait que ce groupe a été fondé sur une tariqa soufiya, sur une voie soufi, qui est la tariqa al-Hassafiya, qui était la voie qui a été suivie par Hassan al-Banna, le fondateur du groupe des frères musulmans. Et son père, Hassan al-Banna, était sur la voie al-Shadhiliya, qui est une voie aussi très dangereuse. Et son fils l'a suivi dans cela, puis a pris la voie qui s'appelle Tariqa al-Hassafiya. Donc elle a été fondée, ce groupe-là, le groupe des frères musulmans a été fondé sur une voie soufie, qui est al-Hassafiya. Et cette voie-là, al-Hassafiya, sur laquelle a été fondé le groupe, c'est-à-dire les fondements du groupe, sont selon cette voie. Car comme vous le savez, les soufis prêtent serment d'allégeance lorsqu'ils suivent une voie. Ils prêtent serment d'allégeance, donc ils n'ont pas le droit de sortir de la voie dans laquelle ils sont. C'est un serment d'allégeance qu'ils prêtent. Et cette voie est basée sur le fait de se rapprocher, comme ils le prétendent, d'Allah, par l'adoration des morts, C'est-à-dire, quand je dis l'adoration, bien sûr, ils ne te diront pas par l'adoration des morts, ils diront par le fait d'invoquer les morts. Comme on l'a vu, cette ambiguïté, qui est l'ambiguïté des polythéismes anciens comme ceux de notre époque, le fait qu'ils demandent à ces morts, qu'ils prétendent être des saints, d'intercéder auprès d'Allah Azzawajal pour eux. C'est ce qui est voulu ici. Et le fait de demander le baraka, c'est-à-dire la bénédiction auprès des tombes, entre guillemets, des pieux, comme ils le disent, et le fait aussi, donc cette voie, Al-Hassafiyya est basée aussi sur le fait de construire des mosquées sur les tombes et de se diriger et de voyager vers ces tombeaux des saints, comme ils le disent, Al-Awliya. Et comme cela, Hassan al-Banna l'a dit clairement dans son livre qui s'appelle Mudakkirat al-Da'wa. Ce livre-là, Mudakkirat al-Da'wa al-Da'iyya, on pourrait le traduire comme les souvenirs de la prêche ou d'une prêche et d'un prêcheur. C'est comme un journal intime, quoi, en fait. Comme un journal intime d'un prêcheur qui parle de sa prêche. Mudakkirat al-Da'wa al-Da'iyya, un livre qui est édité, qui n'est pas difficile à trouver chez n'importe qui parmi les frères musulmans. Vous pouvez les trouver, hein. Vous allez dans n'importe quelle librairie, vous trouvez ce livre-là. Il est vraiment répandu. Je ne sais pas s'il est traduit en français, ça ne m'étonnerait vraiment pas, mais il est vraiment répandu, ce livre-là. Tu le trouves partout. Et dans ce livre-là, il le dit clairement, le groupe des frères musulmans est en réalité un groupe soufi. Il le dit, le groupe des frères musulmans est en réalité un groupe soufi, il le dit clairement. Et il en parle, après dans son livre, il parle de cette tariqa al-Hassafiyya, et même si dans certains de ses livres, il masque la réalité de cette tariqa, mais dans les livres de base de cette tariqa, de cette voie soufi, al-Hassafiyya, il dit clairement ce qu'on a évoqué précédemment, le fait qu'il se rapproche, ou il prétend se rapprocher d'Allah Azzawajal par l'invocation des morts et des saints, entre guillemets. Ensuite, Hassan al-Banna dit aussi, écoutez cela, il rapporte, cela en fait, ça c'est son frère qui rapporte ces choses-là que je vais vous rappeler dans un livre qui s'appelle, on pourrait traduire par Hassan al-Banna, écrit par la plume, comme on pourrait le dire en français, par la plume de ses proches et de ses élèves. Donc il rapporte comment était Hassan al-Banna. Et ça c'est un livre aussi qui est connu chez les frères musulmans, qui est répandu dans la secte des frères musulmans, qu'on trouve même sur leur site internet. Ça, il ne s'en cache pas. Et toutes ces choses-là là, qu'on va lire, il ne s'en cache pas. Il dit, il rapporte donc la parole de Hassan al-Banna qui dit, parfois nous partions visiter un endroit qui s'appelle Azbat al-Nawam, en Égypte bien sûr, où était enterré Shir Sidi Singer. Il s'appelle comme ça, Sidi Singer, Shir Sidi Singer. Nous allions donc visiter ce Shir qui faisait partie, comme le dit Hassan al-Banna, qui faisait partie des grands hommes de At-Tariqa al-Hassafiyya. Donc nous voyageons parfois vers cette tombe-là pour aller visiter cette personne-là qui était connue comme étant parmi les gens de piété et de crainte d'Allah Azzawajal, et nous restions là-bas auprès de sa tombe des jours entiers. Ça, c'est la parole de Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans. Comme cela, il rapporte que pendant, bien sûr, il fêtait le Mawlid al-Nabawi, c'est-à-dire l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ils le prétendent, donc l'anniversaire prétendu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que lors de leur réunion, ceux qui veulent revenir vers le livre que je cite là, il s'appelle Hassan al-Banna bi aqlam talamidatihi wa mu'asirihi. Donc comme je l'ai dit, Hassan al-Banna écrit par la plume de ceux qui l'ont qui étaient de ses proches et de ses élèves. La page numéro 71-72 que je viens d'évoquer, ce que je vais évoquer aussi ici, il dit que lors de al-Mawlid al-Nabawi, de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait des poésies. Parmi ces poésies-là, cette poésie-là, elle disait « هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى لقد أدار على العشاق خمرته صرفا يكاد سناها يذهب البصر إلى آخر مقال. Ce qui nous intéresse, c'est la première partie de la poésie. Il dit هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر. الحبيب, le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Il dit donc, certes, il dit que ce bien-aimé, le Habib, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'Ahbab, c'est-à-dire les gens qui étaient là pendant cette réunion, est présent. Donc il prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette réunion est présent, est là, avec nous. وَسَامَحَ الْكُلَّ فِي مَا قَدْ مَضَى وَجَرَى. Et il a pardonné l'ensemble de vous sur ce qui est passé, ce qui a précédé, sur vos péchés précédents. أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ. Est-ce qu'il y a une divinité avec Allah, Azza wa Jal, qui pardonne les péchés? Allah tabaraka wa ta'ala, seul sans associé. Ça, c'est le fondateur de la secte des frères musulmans. Ça, c'est la réalité de cette personne-là. Et il ne s'en cache pas. C'est-à-dire que ses élèves, que ses proches, ça, c'est son frère qui a écrit cela, ses élèves, ses proches, vous le trouvez même sur leur site internet, il ne se cache pas de ça. Plutôt, ils l'apprennent par cœur, cette poésie. Voilà, ça, c'est l'intérêt que portent les frères musulmans. C'est-à-dire, même si les frères musulmans vont te parler de tawhid, c'est ça la haqiqat de leur tawhid à laquelle ils appellent. La réalité du tawhid à laquelle ils appellent, c'est celle-là. Ça, c'est pour ceux qui sont à l'encontre de notre... qui ne sont pas d'accord avec notre da'wa à nous. Ensuite, après Hassan al-Banna, on va donner un petit exemple rapide de Sayyid Qutb et de son frère Mohamed Qutb. En fait, eux, leur appel à Allah Azza wa Jal, leur appel au tawhid, comme ils le prétendent, est basé sur une partie du tawhid qu'ils appellent tawhid al-hakimiyya. Tawhid al-hakimiyya. Ça, on va y revenir lorsqu'on va lire la parole de Cheikh Al-Fouzan, la réfutation de Cheikh Al-Fouzan sur toutes ces ambiguïtés qu'on a pu évoquer ici. Sayyid Qutb et son frère Mohamed Qutb disent, donc ça c'est une parole où ils sont associés dans cela, ils disent, et bien sûr je le rappelle encore, Sayyid et son frère Mohamed sont les précurseurs du tekfir contemporain. Les précurseurs du tekfir contemporain, tous les grandes têtes du tekfir de notre époque reviennent vers lui, le cite en exemple, Abu Ishaq al-Huwayni, Mohamed Hassan, Al-Falestini, Abu Qutayba, je ne sais pas, Al-Falestini, tous ces grands tekfiris de notre époque, il le cite, Ali Belhaj en Algérie, tous ces gens-là, Abbas Madani, tous ces gens-là, c'était des gens qui revenaient vers cette parole-là, et plutôt ils lisaient ces livres-là, à lui ils les apprenaient par cœur, sachant que cette personne-là, c'est trop, mais quelqu'un qui n'a rien à voir avec la religion, là-bas c'est quelqu'un qui a fait ses études en Amérique, et qui lui est un écrivain en fait, c'est un simple écrivain, il n'a rien à voir avec la religion à la base, c'est Sayyid Qutb et son frère Mohamed Qutb, ils le prennent comme exemple et c'est lui le précurseur du tekfir contemporain. Ils disent, pour résumer leurs paroles, ils disent que au jour d'aujourd'hui le shirk, le polythéisme qui est fait auprès des tombes, c'est-à-dire ce qu'on a parlé, le fait d'invoquer les tombes, les pieux, entre guillemets, les saints qui se trouvent dans les tombes, etc. Ce shirk-là n'existe plus. Ce shirk-là, au jour d'aujourd'hui, n'existe plus. Ça, c'est ce qu'il prétend. Et plutôt, aujourd'hui, il existe d'autres formes de shirk. Et c'est pour cela que nous devons... Et cette forme de shirk qu'il dit, c'est le shirk, ils appellent ça shirkul qusur. Ça, ces choses-là, si je les dis en arabe, c'est pour bien que si vous l'entendez de certaines personnes, vous fassiez attention. Ces paroles-là sont des choses que vous entendrez chez les gens de l'innovation. Tawhid al-Hakimiyya. Ça, nous, on n'a pas quelque chose qui s'appelle Tawhid al-Hakimiyya. Plutôt, comme il va l'expliquer Cheikh Al-Fouzan, Tawhid al-Hakimiyya, si on prend cette expression et on veut essayer de la comprendre, on va dire que c'est qu'une petite partie de Tawhid al-Rububiyya. Donc nous, on n'a pas quelque chose qu'on appelle Tawhid al-Hakimiyya, Tawhid al-Rububiyya, ça n'existe pas. Si vous entendez ça, Tawhid al-Hakimiyya, faites attention à la personne qui parle de cela. Faites même très attention. Comme cela, Shirk al-Qusur. Al-Qusur, ce sont les palais. Donc le Shirk, l'association des palais. Qu'est-ce qu'ils veulent par cela? Ou le Shirk du Parlement. Qu'est-ce qu'ils veulent par cela? Ils ont construit leur da'wah donc sur cela, leur da'wah sur le fait qu'il n'y a plus de Shirk auprès des Qubur, auprès des tombes, comme ils le prétendent, mais il y a du shirk dans les palais. C'est-à-dire que ceux qui sont les associateurs que nous devons absolument combattre, ce sont ceux qui se trouvent dans les palais, c'est-à-dire les dirigeants des musulmans. qui eux ne jugent pas par les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ce qu'ils prétendent, c'est ce qu'ils disent. C'est leur parole à eux, c'est pas bien comprendre. Ils disent cette parole-là et ils disent donc que ce que nous devons, le tawhid auquel nous devons appeler au jour d'aujourd'hui, celui sur lequel nous devons insister, ce n'est pas tawhid al-uluhiyya, ce n'est pas le fait de mettre en garde contre le shirk sous toutes ces formes que j'ai évoquées précédemment, mais simplement sur cette forme de shirk qu'ils appellent shirk al-qusur et le tawhid de al-hakimiyya, c'est-à-dire. Pour résumer, qu'est-ce que ça veut dire Tawhid al-Hakimiyya? Le fait qu'il n'y a pas de juge en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas de doute que cette parole-là, elle est exacte, qu'il n'y a pas de juge en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que c'est lui qui a légiféré nos lois. Allah tabaraka wa ta'ala, il ne convient pas à un être humain de légiférer une loi dans notre religion. Mais eux, ce qu'ils veulent par là, c'est le fait de rendre mécréants tous ceux qui n'auraient pas jugé par ce qu'Allah azza wa jalla a décrété. Et on revient aux premiers parmi les Khawarij. Les premiers parmi les Khawarij qui, eux, ont rendu mécréant Ali, qui ont rendu mécréant Amr ibn al-As, qui ont rendu mécréant Ibn Abbas, qui ont rendu mécréant As-Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On revient à cela. Ça, c'est la da'wa au tawhid de ces gens-là, al-takfiriyoun ou al-Khawarij, c'est-à-dire qu'ils n'appellent pas au fait de mettre en garde contre les associations de toute forme, simplement ils se concentrent sur cette partie-là, le fait qu'il n'y a pas de juge en dehors d'Allah et il n'y a que lui qui a le droit de il n'y a pas le droit pour un serviteur de ne pas juger par les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala, et comme cela ils rendent mécréants les gouverneurs des musulmans. Ceci, comme on l'a évoqué dans le premier cours, c'est un point qu'on va détailler dans les caractéristiques principales des gens de la sunna. Et on va terminer là ici sur cela. Une parole de ce groupe égaré qui est Jama'at al-Tablir. À quoi ils appellent? Est-ce qu'ils appellent au Tawhid ou ils appellent à autre chose? Comme on l'a dit au cours précédent, notre appel à nous, notre da'wa est basé sur où son point de départ est le hadith de Jibril alayhi salam. Où Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée, les compagnons étaient présents, et lui a dit: Ya Muhammad, akhbirni anil iman, akhbirni anil islam, akhbirni anil ihsan. Donc informe-moi sur la foi. La foi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé de 6 piliers de l'islam, 5 piliers de l'ihsan, un pilier comme certains parmi les ulama disent. Et notre da'wa, notre appel à Allah azza wa jal, doit avoir comme point de départ ce hadith-là. Les gens de Jama'at al-Tablir, eux, ils ont comme point de départ 6 qualités, comme ils le disent, 6 sifat, ou sifat sit, ou sifat al-imaniya, 6 comme ils le disent dans leurs histoires. C'est-à-dire donc 6 attributs, ou 6 caractéristiques. Et ces 6 caractéristiques ne sont pas les 6 piliers de la foi. C'est-à-dire qu'on va délaisser la chose que Jibril est venu nous enseigner, par l'intermédiaire de sa question, par le biais de sa question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour 6 points, 6 attributs, comme ils le disent, c'est à ces faits qu'une personne en l'an, dans les alentours de 1920, qui s'appelait Mohammed Ilyas al-Kandahlawi en Inde, a vu en rêve et a commencé à. Vous comprenez? Ça, c'est leur da'wa, elle est basée sur cela. Je vais vous lire juste un passage, parce qu'en fait, pourquoi je vous rapporte ces choses-là? Parce que les gens de la sunna, les frères de la sunna, bien souvent, alhamdulillah, ils apprennent leur religion, ils apprennent la vérité, le tawhid, mais comme on l'a dit et comme on l'a montré, la da'wa de nos messagers, c'est cet appel-là que nous devons suivre, et cette manière-là, cette voie-là que nous devons suivre dans notre appel à Allah, et le fait que nous appelons à la vérité, tout en mettant en garde contre le faux. Ça, c'est une chose qui est... C'est deux choses qui sont indissociables, et c'est une chose qui est impérative. Tu ne peux pas appeler à la vérité sans mettre en garde contre le faux. C'est impossible, et ce n'est pas la voie de nos messagers, ce n'est pas cela que Allah Azza wa Jal t'a ordonné. Donc, à chaque fois, on vous rapporte, on vous met en garde contre ces groupes-là, et on vous rapporte aussi les paroles de ces personnes-là, de ces groupes-là, les paroles qu'ils ont vraiment dites. C'est pas, j'ai entendu, par exemple, on parle d'établir, puisqu'ils sont vraiment présents beaucoup en France, et beaucoup de frères les connaissent, j'ai entendu, une fois, il est venu me parler de telle histoire, et tu rapportes des choses comme ça qui sont. Rapporte. Comme on l'a dit au premier cours, le fait que le salafi, il doit être minutieux. Il doit être minutieux lorsqu'il parle, lorsqu'il apprend, lorsqu'il enseigne, lorsqu'il rapporte, il doit être minutieux. Tu ne peux pas te permettre, toi en étant quelqu'un qui se prétend des gens de la sunna, un frère salafi, de rapporter des paroles comme cela. J'ai entendu dire comme ça, j'ai vu comme cela. Ou, il faut être minutieux. C'est pour cela que, comme vous le voyez ici quand je rappelle des versets, je vous donne le numéro. Comme cela, quand on parle des paroles des gens de l'innovation, on les prend de leur livre. Exactement, ils ont dit ça à tel endroit. Il faut être minutieux que vous sachiez la vérité de ces paroles-là. En ce qui concerne Jamaat al-Tablir, je vais me contenter pour vous montrer sur quoi est construite leur da'wah, qui est une da'wah aussi qui est construite sur du soufisme, comme vous le savez. Ils ont été construits sur quatre voies soufis. Et parmi donc ces paroles-là, d'un livre qui s'appelle, ils le traduisent comme ça, en arabe, ils l'ont traduit par Fada'il al-A'mal. Fada'il al-A'mal. En langue ourdou, donc la langue des gens du Pakistan, ils disent Tabliri Nisab. Tabliri Nisab. Et donc en arabe, ils l'ont traduit par Fada'il al-A'mal. Allahu alam, ça c'est pour cacher leur vérité ou la vérité de comment ils sont à nous savons, aux savants de la sunna. Parce qu'en arabe, Fada'il al-A'mal, ce sont les mérites des œuvres ou les œuvres méritoires. Donc ça c'est quelque chose qui ne. Alors que Tabliri Nisab, c'est la manière que tu as d'être Tabliri. Voilà, donc il s'appelle Fada'il al-A'mal. Cette parole-là, il vient du livre. Le livre Fada'il al-A'mal, moi je l'ai en français. C'est un de vos frères que je l'ai pris chez lui il y a des années auparavant quand on faisait un déménagement. C'est un frère qui était avec lui et qui est un ancien avec eux, Abdel Hamid qui est ici. J'ai pris ce livre-là, j'ai lui et le livre il est présent et je le rapporte de ce livre-là exactement. Le livre il est là. C'est pas quelque chose qu'on a inventé sur eux, on va les calomnier ou. Vous comprenez ? Donc il dit à la page 109. De ce livre. Il dit, ce qui est rapporté ici, hein, Cheikh Abu Khair Qatta dit, je suis allé à Médine et je suis resté là pendant 5 jours. Mais je n'ai pas atteint le plaisir et la satisfaction. Je suis allé aux tombes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ses deux compagnons Abu Bakr et Omar. Et je dis, ô messager d'Allah, je suis ton invité ce soir. Alors, je suis parti et j'ai dormi derrière le minbar du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu dans mon rêve le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr et Omar, avec Abu Bakr à sa droite et Omar à sa gauche et Ali devant eux. Ali m'a alors secoué et m'a indiqué que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était venu me voir. Je me suis levé, j'ai embrassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre les yeux. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a alors donné un morceau de pain dont j'ai mangé la moitié et quand je me suis réveillé, l'autre moitié était dans ma main. Ça c'est leur parole à eux. Et cette parole-là, de par leur grande ignorance, eh bien ils la rapportent comme étant quelque chose de bien vraiment. C'est quelque chose de... Cette personne-là c'est un pieux, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. En fait, on va délaisser le fait, cette histoire farfelue, donc... là, on va la mettre de côté et on va vous mettre en avant vraiment le fait que ces gens-là, lorsqu'ils rapportent cette parole-là, ils voient que cette personne Abu Khair était un pieux qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils délaissent le fait que cette personne Abu Khair était quelqu'un qui partait à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire une supplication. C'est cette chose-là qu'on a parlé dans le cours, non ? On a parlé que cette chose-là, le fait de supplier, de faire une supplication, de faire une invocation à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, demander l'intercession à une personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas invoquer un mort, tu ne peux pas lui demander. Si tu veux l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour nous, incha'Allah, yom al-qiyama, pour les gens de foi, il intercédera pour nous. Si tu veux son intercession, si tu veux la demander, tu ne la demandes pas à lui, tu la demandes à Allah Azza wa Jal, tu dis, ya Allah, shaffi' fiyya Rasul Allah. Oh Allah, fais que ton prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède pour moi, yom al-qiyama. Mais le fait de dire oh, messager d'Allah, intercède pour moi, ça c'est une innovation et c'est ça le shirk. Là tu as invoqué un mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, comme je l'ai dit, donc, ils sont attirés par cette histoire farfelue. Ils ne voient pas donc, la gravité de l'acte de cette personne qui est partie faire des invocations au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Abu Bakr et à Omar, à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une dernière chose par rapport à cela aussi, le fait que la visite de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine est une chose qui est légiférée. Mais tu ne voyages pas à Médine pour aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le fait de voyager vers une mosquée, si ce n'est ces trois mosquées-là. La mosquée de Mecca, la mosquée de Médine et la mosquée El Masjid Al-Aqsa. Ici, mais la mosquée, la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est bien à Médine, dans la ville de Médine. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de voyager vers une mosquée, si c'est de voyager vers une mosquée, pas vers une tombe, vers une mosquée. Donc quand tu vas à Médine et que tu voyages vers Médine, tu voyages vers la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas visiter la tombe, tu viens visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire cette visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que tu es dans cette ville de Médine, parce que tu as visité sa mosquée. Pas quand tu es à Mecca, tu as la niya d'aller, tu as l'intention d'aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une visite qui est interdite. Vous comprenez la différence entre les deux ? Barakallahu fikum. J'ai mis un petit peu de temps, juste on va traduire rapidement la parole de Cheikh Al-Fawzan. Hafidahullah Ta'ala, Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala. Donc en réponse à tous ces groupes égarés où il dit Hafidahullah Ta'ala, on va terminer sur cela. Il dit, c'est la question qui lui a été posée, la parole de Mohamed Khutb, qui dit dans son livre Hawla Tadbiq al-Sharia, il s'appelle comme ça son livre, donc autour du fait de pratiquer la Sharia. Il dit le sens de La ilaha illallah, La ma'abouda illallah, wa la hakima illallah. Ça, c'est Mohamed Khutb qui dit cela. Donc, si on pourrait le traduire par Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, ou pas d'être adoré en dehors d'Allah, il n'y a pas de juge en dehors d'Allah. Et la question qui est posée à Cheikh Al-Fawzan ici, c'est est-ce que cette explication de La ilaha illallah est une explication qui est authentique ? Et Cheikh Hafidahullah de répondre, le sens de La ilaha illallah, Allah Azza wa Jal l'a expliqué dans son livre. Et comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans son livre. Et Cheikh de rapporter tous ces versets que nous avons rapportés précédemment, en disant par exemple, en citant ce verset où Allah Azza wa Jal dit « وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا » et tous ces versets qui vont dans ce sens-là « وَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِنَ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجَتَنِبُوا الطَّاغُوتَ » nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah, écartez-vous de Tarut » Donc, Cheikh Al-Fawzan ici, il nous met en avant que Allah et son prophète ont expliqué le sens de « La ilaha illallah » par cette chose-là. L'adoration d'Allah Azza wa Jal seul et son associé et le fait de s'écarter d'autres que de s'écarter d'adoration d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite il dit donc, il a certes Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ils ont certes expliqué le sens de la ilaha illallah par le fait que Allah Azza wa Jal d'être adoré seul et son associé et ils ne l'ont pas expliqué par la hakima illallah comme l'a expliqué Mohamed Khoud. Donc il n'y a pas d'autre juge qu'Allah tabaraka wa ta'ala, plutôt comme le Cheikh nous dit, il n'y a pas d'autre juge qu'Allah Azza wa Jal est une infime partie de la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ce n'est pas authentique d'expliquer la ilaha illallah que par cette chose là et le Cheikh de nous dire la ilaha illallah, ça veut dire son explication est véritable est la ma'bouda bihaqqin illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah, ce qu'on pourrait traduire par il n'y a pas de divinité digne d'adoration ou en droit d'être adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis le shir de dire que cette parole là est plus générale que de dire il n'y a pas de juge en dehors d'Allah Azza wa Jal, et donc cette chose là est une infime partie et de tawhid, le fait que Allah Azza wa Jal c'est le seul à légiférer et à juger est une infime partie de tawhid, et ça ne convient pas d'expliquer cette parole par cela. Voilà. En ce qui concerne, le Shir de nous dire que c'est comme d'expliquer. Excusez-moi. Le Shir de nous dire que la parole de le fait de dire aussi la Khaliqa illallah, il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. Ceci aussi est une explication qui est fausse, comme on l'a déjà expliqué dans les cours précédents. Le fait qu'il n'y a pas de créateur, ou qu'on a expliqué lors d'une des khutab qui ont précédé, le fait de dire qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah est une parole en soi qui est exacte, il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah, mais le fait d'expliquer la ilaha illallah par cette parole-là, il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah, cette explication est celle qui est erronée. Car c'est qu'une petite partie de l'explication de la ilaha illallah, c'est-à-dire d'expliquer la ilaha illallah que par sa seigneurie, et pourquoi... ici, c'est l'explication qu'on Jamaat Tablir d'expliquer la ilaha illallah. Ils ne l'expliquent que par le tawhid de la seigneurie, comme vous le savez. C'est-à-dire que toute leur explication de la ilaha illallah tourne sur le fait qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui crée, c'est lui qui accorde la subsistance, etc. Et ils ne donnent aucune importance à l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul et sans associé. C'est pour cela qu'ils tombent dans des choses grave, comme nous l'avons évoqué ici dans son livre, dans le livre de leur cheikh, Fadail al-A'mal. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.